Le convoi des prémices de pêche de l'arrondissement de Kwa'il de la province du Fang et du Sud est arrivé le 9 courant à Pyongyang. Les voitures arrivées au parc de stationnement de Munsu au bord du fleuve Taedong se sont dirigées vers les réseaux d'établissements de services publics, les crèches et écoles maternelles, primaires et secondaires pour orphelins et la maison de retraite, saluées par les cadres et travailleurs de la ville de Pyongyang.